Exercice 9, page 113. A. Tu es puni. Transformer. C'est vrai, je suis puni? B. Tu es sublime. Transformer. C'est vrai, je suis sublime? C. Tu es pudique. Transformer. C'est vrai, je suis pudique. D. Tu es surpris. Transformer. C'est vrai, je suis surpris. E. Tu es utile. Transformer. C'est vrai? Je suis utile ?